الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين أما بعد ما زلنا مع باب الجنابة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء نعم إذا رأت الماء. Donc nous sommes toujours avec le chapitre donc de ce que l'on appelle al-janaba. Umm Salama, la femme du prophète صلى الله عليه وسلم, elle dit que Umm Sulaym, la femme de Abu Talha, est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Ô messager d'Allah, Allah n'a pas honte de la vérité, in Allah la yastahyi min al-haq. Est-ce que la femme doit faire les grandes ablutions lorsqu'il lui arrive ce que l'on appelle al-ihtilam ?» Donc on va expliquer qu'est-ce que c'est. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Oui, si elle... donc trouve dans ses vêtements elma, c'est-à-dire donc un liquide, mais du sperme. هذا الحديث تعلق بحكم الاحتلام بالنسبة للمرأة والمرأة تحتلم أو لا تحتلم. فجاء راوية الحديث يا أم سلمة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم واسمها هند بنت أبي أمية وقيل أن اسمها رملة وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها أبو سلمة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد علم أم سلمة دعاء أن يقال عند حدوث المصيبة إذا أصيب أحد الناس بمصيبة عليه أن يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيلا خيرا منه اللهم أخلفني في مصيبتي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه. فعندما توفي زوجها أبو سلمة تذكرت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت الدعاء قالت اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه. ولكن يعني تأملت هذا الدعاء فقالت ومن يكون خيرا من أبي سلمة يعني من الأوائل الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. فالله عز وجل أبدلها بزوجها المتوفى خيرا منه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي سلمة. يقول عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فيقال للمرأة زوج كما يقال للرجل زوج. كثير من الناس دائما إذا تحدث عن المرأة يقول زوجة. طيب في القرآن شنو اللي عندنا؟ زوج. أمسك عليك زوجك واتق الله وأصلحنا له زوجة. فيجوز أن تقول زوجة ويقول لك أن تقول زوج وزوج أفصح لأنه الذي جاء في القرآن الكريم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأم سلمة يا زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة أم سليم كذلك يكنية هذه المرأة واسمها الرميسة وقيل الغميضة والأشهر الأول وهي أم من؟ أم سليم والدة من؟ أنس بن مالك يا والدة أنس بن مالك رضي الله عنه وهي امرأة أبي طلحة رضي الله عنه وهي صاحبة أعظم مهر في تاريخ الإسلام المهر الذي يعطى للزواج الصداق هي أعطيت أعظم مهر شحال هو الإسلام يعني عندما توفي أبو طلحة عندما توفي زوج أم سليم الأول جاء أبو طلحة يخطبها ولكن كان كافرا جاء يخطبها وهو كافر فقالت له إن مثلك لا يرد إن مثلك لا يرد ولكنك كافر وأنا امرأة مسلمة فلا يمكن المرأة المسلمة أن تتزوج بغير مسلم فقالت له إن أسلمت فهو مهري إن أسلمت فهو مهري فأسلم فتزوجها فاعتبر ذلك العلماء رحمهم الله أعظم مهر الإسلام يعني يفوق جميع القيم يفوق يعني جميع المقادير المالية وقد قل لي مليون ولا مليار الإسلام أعظم donc la personne qui a rapporté ce hadith c'est Umm Salama c'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc Umm Salama donc comme on a dit à plusieurs reprises tout ce qui est Abu Fulan, Umm Fulan c'est ce que l'on appelle Al-Kunya et que les arabes donc ils possédaient un nom, une kunya et un surnom et donc en général les compagnons radiallahu anhum il y en a certains qui sont connus par leur nom et d'autres qui sont connus par leur kunya et en général ceux qui sont connus par leur kunya il y a souvent une divergence sur leur nom du fait que la plupart des gens ils les appelaient par leur kunya donc Abu Huraira, Abu Bakr Abu Talha etc etc donc Umm Salama son prénom c'est Hind bintu Abi Umayya et certains ont dit qu'elle s'appelle Ramla et c'est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam une mère parmi les mères des croyants le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle après la mort de son premier mari Abu Salama et avant cela lorsqu'elle était encore mariée le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui avait appris l'invocation qu'il faut dire lorsqu'on est éprouvé par un malheur le prophète lui a dit lorsque quelqu'un d'entre vous est éprouvé par un malheur qu'il dise Allahumma jurni fi musibati c'est à dire oh Allah récompense-moi dans mon épreuve wa khluf li khairan min et remplace-moi cela par une chose meilleure et donc lorsque son mari est décédé Abu Salama elle s'est rappelée l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle a prononcée. Mais en même temps, elle s'est posée des questions. Elle s'est dit, mais qui Allah subhanahu wa ta'ala, comment Allah peut me remplacer quelqu'un de meilleur que Abu Salama? Le fait qu'il fait partie des premiers compagnons qui ont embrassé l'islam, parmi les premiers qui sont partis de la Mecque jusqu'à Médine, donc un compagnon très pieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé cette invocation et lui a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme époux. Et également, donc c'est celle qui a rapporté ce hadith, c'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle nous dit que Umm Sulaym, donc Umm Sulaym également, une autre kunya, la femme de Abu Talha, donc Umm Sulaym, c'est la mère de Anas ibn Malik. C'est la mère de Anas ibn Malik, radiallahu anhuma. Et donc pareil, il y a une divergence sur son nom. La plupart disent qu'elle s'appelle Ar-Rumaysa. et d'autres disent qu'elle s'appelle Al-Rumayda. Et donc, pareil, elle est connue par sa kunya. C'est la femme qui a reçu la plus grande dot dans l'histoire de l'islam. Du fait que, lorsque son premier mari est décédé, Abu Talha est venu la demander en mariage. Mais Abu Talha, il était mécréant, il n'était pas musulman. Et donc, Umm Sulaym, lorsqu'il est venu la demander en mariage, elle lui a dit: une personne comme toi ne peut pas être refusée. Lorsqu'il demande en mariage, une personne comme Abu Talha, en général, les gens, ils le marient. Mais le problème, c'est que tu n'es pas musulman et moi, je suis musulmane. Donc, ils ne peuvent pas se marier. C'est interdit. Allah dit dans le Coran, وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدُ الْمُؤْمِنُونَ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِينَ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. Allah dit dans le Coran, et ne mariez pas vos femmes donc à des associateurs. Un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur, même si il vous plaît mieux, il vous plaît plus. Donc c'est impossible. Allah également dans surat Al-Mumtahana il dit: La hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. C'est-à-dire, ils ne sont pas, elles ne sont pas licites pour eux et eux ne sont pas licites pour elles. Bref, elle lui a dit donc, une personne comme toi donc ne peut pas être refusée, mais je suis musulmane et tu n'es pas musulman. Et elle lui a dit, si tu acceptes d'embrasser l'islam, ce sera mon ma dot. Et donc il a embrassé l'islam, et donc ce fut la dot de leur mariage. Et donc c'est pour ça que les savants disent que c'est la plus grande dot de l'histoire de l'islam, du fait que ça n'a pas de valeur. C'est plus grand que même si on donne plusieurs millions à une femme. إذن جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق. بهذه الجملة تريد أن يعني تمهد لسؤالها، أن تأتي بمقدمة وتوطئة لسؤالها، لأن هذا السؤال مما يستحيى منه، مما يستحيي منه الناس، وإضافة إلى كون السائلة امرأة، فالناس الرجال يستحيون من هذا مثل هذا السؤال، فما بال بالمرأة؟ فهي تقول إن الله لا يستحيي من الحق، يعني أن الله عز وجل يأمر الناس أن يتركوا الحياء في مثل هذه المواطن التي فيها التفقه في الدين. فقالت إن الله لا يستحي من الحق. وهذا الذي يقال من الناس من استبدل هذه الجملة بقولهم لا حياء في الدين، وهذا خطأ. الناس يقولوا لا حياء في الدين، كيف لا حياء في الدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الحياء شعبة من الإيمان، وتدخل لا حياء في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحياء كله خير، فالدين هو الحياء. فإنسان بدلا أن يقول لا حياء في الدين يقول إن الله لا يستحي من الحق، هذا هو التعبير الصح. أما لا حياء في الدين، الدين كله حياء. فقالت إن الله لا يستحي من الحق، هل للمرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. وهناك روايات أخرى لهذا الحديث أن أم سلمة غطت وجهها بعد ذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أم سلمة كانت حاضرة، فعندما سألت أم سليم هذا السؤال غطت أم سلمة وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة، أن المرأة تحتلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها، فبما يشبهها ولدها. وجاء في رواية لمسلم وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك، إن على ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا على ماء الرجل ماء المرأة أشبه أعمامه. هذه روايات أخرى. Donc, elle est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô messager d'Allah, inna Allah la yastahyi min al-haq. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas honte de la vérité. Pourquoi a-t-elle dit cela avant même de poser sa question? Donc comme une sorte d'introduction à sa question, pour montrer au prophète sallallahu alayhi wa sallam que la question qu'elle va poser est une question qui en général met les gens mal à l'aise et qui demande aux gens d'avoir honte de ce type de questions, les hommes comme les femmes, et plus encore les femmes. C'est pour ça donc qu'elle a dit inna Allah la yastahyi min al-haq, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande aux gens de surmonter leur pudeur et leur honte pour poser des questions religieuses dans lesquelles donc il y a un bien pour eux. Les gens à notre époque, donc, au lieu de dire cette phrase, c'est-à-dire inna Allah la yastahyi min al-haq, ils disent la haya'a fi din, c'est-à-dire il n'y a pas de pudeur dans la religion. Non, ça, c'est, il faut pas dire cela. Parce que la religion tout entière, c'est de la pudeur. La personne qui dit il n'y a pas de pudeur dans la religion, ça veut dire qu'il a enlevé tous les hadiths qu'il y a du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui incite les gens justement à la pudeur. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit inna al-imana bid'un wa sittuna shu'ba. C'est-à-dire que la foi est composée de 60 et quelques ramifications. A'laha qawlu la ilaha illallah. La plus élevée est de dire la ilaha illallah. Et la plus basse est de d'écarter un obstacle du chemin. Imatatul adha ani tariq wal haya'u shu'batun min al-iman. Et la pudeur est une ramification parmi les ramifications de la foi. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit inna al-haya'a la ya'ti bi khair, c'est-à-dire que la pudeur ramène que du bien. Wa kana rajulun ya'idhu akhahu fil haya'. شخص كان يستحي كثيرا فجاء أخ له يعظه يأمره بترك الحياء فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء كله خير. Laisse-le car toute la pudeur est bonne. Donc il y avait un homme qui était très pudique et un homme donc a essayé de l'exhorter et de l'inciter à délaisser la pudeur, à être moins pudique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit laisse-le car la pudeur n'amène que du bien, ou bien la pudeur n'est qu'entièrement bonne. Donc il ne faut surtout pas dire la haya'a fi din, mais dites plutôt inna Allah la yastahyi min al-haq. Donc ensuite elle a dit est-ce que la femme doit faire les grandes ablutions lorsque il lui arrive ce que l'on appelle al-ihtilam. Idhan al-ihtilam ma huwa? Huwa ma yara'u an-na'imu في المنام ويرى النائم في المنام فيرى النائم أنه يعني يجامع أو يجامع. ولهذا جاء في رواية يعني عند الإمام أحمد إذا رأت أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. Donc الاحتلام, je ne sais pas comment on peut traduire cela en français, mais on va expliquer qu'est-ce que c'est que l'ihtilam. L'ihtilam, donc, c'est le fait que la personne, elle rêve qu'elle a des rapports sexuels, donc en rêve. Et donc, ensuite, il peut soit y avoir éjaculation de sperme ou bien ne pas y avoir. C'est pour ça que, donc, dans une autre version du même hadith, il a été demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la femme voit en rêve que son mari donc a des rapports avec elle, est-ce qu'elle doit faire les grandes ablutions? إذن أم سليم تقول هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت يعني وقع لها احتلام؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. Est-ce que la femme doit faire les grandes ablutions lorsqu'elle lui arrive ce qu'on appelle l'ihtilam? Le prophète lui a dit oui, si elle trouve donc un liquide, donc qui est donc le sperme dans ses vêtements. Dans une autre version, toujours dans Sahih al-Bukhari, Umm Salama, donc qui était présente lorsque Umm Sulaym a posé la question, elle a couvert son visage de honte de la question de Umm Sulaym, et elle a dit alors au prophète, est-ce que la femme, il peut lui arriver cela, donc l'ihtilam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui, Taribat yaminuki, c'est-à-dire malheur à toi. Comment se fait-il alors que son enfant lui ressemble? C'est-à-dire que la femme également, elle possède ce que l'on appelle du sperme, et donc les deux liquides se mélangent pour créer un enfant. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, Inna khalaqana al-insana min nutfatin amshaj l'ikhwan. Inna khalaqana al-insan min nutfatin amshaj. Yani akhlat. Yani khaltum bayna ma al-rajuli wa ma al-mar'a. Donc Allah dit dans le Coran, nous avons créé l'homme d'une goutte mélangée. Donc mélange entre le liquide de l'homme et le liquide de la femme. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une version de Sahih Muslim, il a dit que la ressemblance à l'enfant vient de cela. Si le liquide de la femme prend le dessus sur le liquide de l'homme, l'enfant ressemblera donc à ses oncles et ses tantes maternelles. Il ressemblera à la famille de sa femme, de sa mère plutôt. Et si au contraire, c'est le liquide de l'homme qui prend le dessus, il ressemblera alors à la famille de son père. ففي هذا الحديث كذلك منقبة لنساء الصحابة رضي الله عنهن حيث لم يمنعهن الحياء من السؤال والتفقه في الدين من التفقه في الدين ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين نعم النساء نساء الأنصار نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين وكذلك يقول مجاهد رحمه الله تبارك وتعالى ومن تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لا ينال العلم مستحيين ولا مستكبر فإثنان لا يتعلمان المستحي الذي يستحي أن يسأل ويستحي أن يعني يطلب ما ينفعه في دينه وكذلك المتكبر الذي يقول أني أنا لا أحتاج إلى شيء من هذه الأمور وأنا لا أتعلم من فلان وأنا لا أتعلم فهذا كذلك لا يتعلم ويقول وكيع ومن تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله يقول لا ينبل الرجل من أصحاب الحديث حتى يكتب ممن هو فوقه وممن هو مثله وممن هو دونه فالمحدثون كانوا يأخذون العلم الحديث العلم يأخذون الحديث من أي أحد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه روى حديث عن الإمام الترمذي وشكون لي أعلى مرتبة الإمام البخاري ولكن عندما يعني حفظ الإمام الترمذي حديثا يعني أخذه منه الإمام البخاري رحمه الله فالإنسان يعني لابد أن يتعلم ممن هو فوقه وممن هو مثله وممن هو دونه قد تستفيد من طفل صغير قد تستفيد من يعني حتى أحيانا من غير مسلم يعني يأمرك بشيء هو ثابت في دينك فإنسان يستفيد من أي أحد. Donc également dans ce hadith il y a une vertu pour les femmes des compagnons رضي الله عنهم du fait que la pudeur ne les empêchait pas de poser des questions et d'apprendre leur religion. Aïcha radiallahu anha, elle nous dit que ni'ma an-nisa nisa'ul ansar, comme sont vertueuses les femmes donc des ansar, c'est-à-dire ceux qui habitaient à Médine, la pudeur ne les empêchait pas d'essayer de comprendre leur religion. Donc la personne, il faut qu'elle surpasse toutes ces choses-là. C'est-à-dire lorsque il est matière de religion, il n'y a plus de pudeur. Il se peut que toi tu aies honte de poser ce type de questions et tu ne fasses pas les grandes ablutions et que tu pries de cette manière. Et tu penses que ta prière est valable et au bout d'un certain temps tu te rends compte que tu es dans une grande erreur à cause de cela, et que tes ablutions n'étaient pas valables, et que tu faisais la prière pendant tel temps ou tant de temps sans avoir fait le ghusl. Donc la personne, il faut qu'elle surmonte cette pudeur et qu'elle pose des questions. Bien sûr, comme on avait dit à plusieurs fois, en employant les mots adéquats pour donc ne pas choquer la personne à qui on pose la question. Également Mujahid rahimahullah, qui fait partie des élèves de Abdullah ibn Abbas, il nous dit: ithnani la yata'allaman, il y a deux personnes qui n'apprennent pas leur religion. Al-mustahyi, la personne pudique, ou al-mustakbir, la personne orgueilleuse. Donc, la personne pudique, c'est la personne qui elle a toujours honte de poser des questions. Il lui arrive mille et mille malheurs dans sa religion, elle doute sur mille ou mille choses, mais elle a honte d'aller poser telle ou telle question. Celui-là, il apprendra jamais sa religion. Également al-mustakbir, celui qui est orgueilleux, qui ne veut pas apprendre de la religion, qui se croit supérieur donc aux autres, qui ne veut pas apprendre d'un tel ou bien d'un tel, celui-là non plus, il n'apprend pas sa religion. Waqi'a ibn Jarrah, un élève parmi les élèves de l'imam al-Shafi'i, il nous dit que l'homme n'atteindra jamais la noblesse parmi les gens du hadith jusqu'à ce qu'il écrive le hadith de personnes qui sont au-dessus de lui, de personnes qui sont au même niveau que lui et de personnes qui sont en dessous de lui. Vous trouverez par exemple que l'imam al-Bukhari rahimahullah, il rapporte un hadith de l'imam al-Tirmidhi, alors que al-Bukhari rahimahullah, c'est Amir al-Mu'minin fil hadith. Malgré cela, du fait qu'il a vu que l'imam al-Tirmidhi, qui est son élève, connaissait un hadith qu'il n'avait pas en sa possession, il a pris le hadith de lui sans se dire que moi je suis l'imam al-Bukhari et lui c'est l'imam al-Tirmidhi. Non, il a pris la science donc de cette personne. Donc la personne, il faut qu'elle apprenne la science de celui qui est au-dessus, de celui qui est au même niveau, ou bien même de celui qui est en dessous. كذلك نستفيد من هذا الحديث أن النساء شقائق الرجال فالمرأة تحتلم كما يحتلم الرجل فهذا هو الأصل في الأحكام الدينية ما ثبت للرجل يثبت للمرأة حتى يأتي مخصص يخرج المرأة من الحكم مفهوم؟ فجميع الأحكام التي تجدونها في كتب الفقه هي متجهة للرجل والمرأة إلا أن يأتي دليل يخصص الحكم للرجل فتخرج المرأة من الحكم فمن الناس من يأتي بأشياء يقول لا المرأة لا تفعل هذا المرأة ما تصليش على جنازة ولاش المرأة ما تصليش بحال الرجل المرأة ما تجافيش في الصلاة المرأة من أن لكم هذا لابد من دليل الذي يريد أن يخصص شيئا للمرأة لابد أن يأتي بدليل وإلى الأصل أن النساء شقائق الرجال في الأحكام هذا هو الأصل فالمرأة تصلي مثل الرجل إلا لعنده دليل يخرج المرأة من مسألة كذا وكذا فمرحبا وإلا هذا هو الأصل تصوم مثل الرجل تحج مثل الرجل إلى غير ذلك. Donc également de ce hadith on peut tirer que les femmes donc sont shaqa'iq al-rijal, c'est-à-dire qu'ils sont les ils sont comme les hommes dans les règles religieuses. Donc la femme donc ici elle il lui arrive l'ihtilam comme cela arrive à l'homme. Dans les règles religieuses de jurisprudence que vous trouverez dans le fiqh, la base c'est que la femme, elle a le même statut que l'homme. Ah, c'est ça la base des choses. Lorsque vous voyez une chose, la prière c'est de telle ou telle manière, c'est pour les hommes et pour les femmes. Le jeûne c'est de telle ou telle manière, c'est pour les hommes et pour les femmes. À moins qu'il y ait un texte qui vienne spécifier que la femme sort de ce statut. Mais sinon, dans toutes les choses, lorsque vous pouvez lire un livre, par exemple, sur la prière, il ne faut pas que la personne elle se sente seulement concernée. Et que sa femme, il faut lui acheter un autre livre pour qu'elle apprenne la prière. Non. Tant qu'il n'y a pas de preuve qui sorte la femme de tel ou tel statut, la femme a le même statut. Donc la prière, la femme a pris comme l'homme. Le jeûne, elle jeûne comme l'homme. Sauf s'il y a donc une preuve qui la fait sortir de ce statut. في صحيح البخاري يقول ابن البخاري كانت أم دردة تصلي صلاة الرجل وكانت فقيها. Il dit que Umm Darda, elle faisait la prière comme un homme et wa kanat faqiha. C'est-à-dire qu'elle connaissait bien les règles de jurisprudence. Parmi les choses qui montrent qu'elle connaissait bien les règles de jurisprudence, le fait qu'elle avait compris que la prière de la femme est semblable à la prière de l'homme, donc dans les gestes. Donc parfois, il y a des gens qui disent la femme, elle ne fait pas telle ou telle chose. La femme, elle, ne prie pas sur Salat al-Janaza. La femme, elle, pendant la prière, elle ne fait pas tel ou tel geste. Si la personne elle a une preuve à cela, marhaba, sinon la femme donc est semblable à l'homme dans les règles. كذلك علق النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال برؤية الماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا رأت الماء. معنى ذلك أنها إذا لم ترى ماء لا يجب عليها أن تغتسل وإن ذكرت احتلاما. ممكن يا تذكر أنها احتلمت ولكن لم تجد شيئا في ملابسها مثلا فعندئذ لا يجب عليها أن تغتسل. وكذلك الرجل قد يحتلم يستيقظ ويتذكر أنه احتلم ثم عندما يفتش في ملابسه لا يجد شيئا فهذا لا يجب عليه شيء لا يجب عليه الغسل. والإنسان في هذه الحالات يعني إذا استيقظ ووجد بللا في ملابسه له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتيقن أنه موجب للغسل، أنه وجد منيا في ملابسه هذا وجب عليه الغسل بدون إشكال. الحالة الثانية أنه يتيقن أنه ليس بماني هذا لا يجب عليه الغسل وإن ذكر احتلاما. الحالة الثالثة وهي الحالة المحتملة أن يجهل يجد شيئا في ملابسه ولكن يجهل ما هو، هل هو ماني أو ليس بماني. إن فهو لا يدري، يعني حتى إذا نظر إلى صفات هذا السائل لا يدري هل هو ماني أو ليس بماني. فإن ذكر يعني احتلاما وجب عليه الغسل لأنه قرينة من القرائن أنه قد احتلم. وإن لم يذكر احتلاما مثلا أو تذكر أنه فكر في الجماع قبل أن ينام قد يكون مذيا فعندئذ لا يجب عليه الغسل. دونك le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a lié le fait de faire les grandes ablutions au fait de trouver donc un liquide dans ses vêtements. Ce qui veut dire que si la personne ne trouve rien dans ses vêtements ou trouve autre chose que du sperme, elle n'a pas à faire les grandes ablutions. Et donc la personne lorsqu'elle se réveille et qu'elle trouve donc une humidité dans ses vêtements, il y a trois cas de figure. Le premier cas de figure serait que la personne donc se rende compte et soit certaine que c'est du sperme, donc à ce moment-là doit faire les grandes ablutions sans problème. La deuxième, c'est que la personne se rend compte que ce n'est pas du sperme. À ce moment-là, elle n'a pas à faire les grandes ablutions, mais malgré cela, il faut quand même qu'elle nettoie ce qui a atteint ses vêtements. Soit de l'urine, soit du mazi, donc du liquide spermatique, donc il faut le nettoyer. Le troisième cas de figure, c'est que la personne donc trouve quelque chose et qu'elle ne sache pas ce que c'est. À ce moment-là, elle regarde donc des indices qui pourraient lui montrer qu'est-ce que ça peut être. Si elle se souvient qu'elle a fait ce que l'on appelle l'ihtilam, on lui dit alors d'aller faire les grandes ablutions. Et si elle se souvient qu'elle n'a pas fait de l'ihtilam, à ce moment-là, elle ne fait rien car la base des choses est tahara. La base de toutes les choses est tahara, donc la personne n'a pas à faire les grandes ablutions. و الوجوب نستفيد من هذا الحديث كذلك وجوب الغسل بخروج المني إذا كان بالشهوة وقد يعني سبق وهذا مجمع عليه إذا خرج المني من الرجل أو المرأة وجب عليهما أن يغتسلا بأي طريقة كانت سواء بالجماع أو بالاحتلام أو بالطريقة المحرمة التي تسمى بالعادة السرية فمن وقع في شيء من ذلك وخرج منه المني فقد وجب عليه الغسل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء إنما الماء من الماء متفق عليه. Donc également on peut tirer de ce hadith que donc lorsqu'il y a éjaculation donc de sperme, il faut que la personne fasse ses grandes ablutions. Que cette éjaculation ait lieu par n'importe quel moyen, que ce soit après rapport ou bien avec l'ihtilam ou bien donc d'une manière illicite comme la masturbation, la personne doit faire les grandes ablutions après. Et ça donc c'est une chose sur laquelle il n'y a pas de divergence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit innamal ma'a innamal ma'u min al ma'. C'est-à-dire que l'eau, c'est-à-dire l'eau des grandes ablutions, elle est liée au liquide donc qui sort de l'homme. Innamal ma' min al ma', anima al-urtisal min ma' al-mani. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام المواقعين يقول إجاب الشارع صلى الله عليه وسلم الغسل من المني دون البول فهذا من أعظم محاسن الشريعة وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة والمصلحة فإن المني يخرج من جميع البدن ولهذا سماه الله سلالة الله عز وجل في القرآن سماه سلالة من ماء مهين لأنه يسيل من جميع البدن وأما البول فإنما هو فضلة الطعام والشراب المستحيلة في المعدة والمثانة فتأثر البدن بخروج المني أعظم من تأثره بخروج البول وأيضا فإن الاغتسال من خروج المني من أنفع شيء للبدن والقلب والروح بل جميع الأرواح القائمة بالبدن فإنها تقوى بالاغتسال والغسل يخلف عليه ما تحلل منه بخروج المني وهو أمر يعرف بالحس وأيضا فإن الجنابة توجب ثقلا وكسلا والغسل يحدث له نشاطا وخفة ولذا قال أبو ذر عندما اغتسل من الجنابة كأنما ألقيت عني جبلا. Donc l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, donc en résumé, il dit dans son livre I'lam al-Muwaqi'in que pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète ont obligé à la personne donc de faire al-ghusl après donc éjaculation, alors que lorsqu'il n'y a que de l'urine qui sort, la personne n'a seulement qu'à nettoyer l'endroit où est sortie l'urine. Il nous dit que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala donc ait imposé les grandes ablutions à cela et le fait que le mani il sort de tout le corps. Allah dit dans surat At-Tariq yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib. الصلب هو الظهر والترائب هو الصدر يعني يخرج من الظهر بالنسبة للرجل ومن الصدر بالنسبة للمرأة. Donc le sperme il sort donc du dos de l'homme et de la poitrine de la femme. C'est pour ça qu'il nous dit que donc il sort de tout le corps de l'homme. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a appelé dans le Coran Sulala. Allah il a appelé le sperme Sulala, c'est-à-dire que donc il coule à travers tout le corps. Quant à l'urine, en général, c'est que la nourriture que la personne donc a pu Donc la nourriture qui est dans l'estomac et dans la vésicule urinaire. C'est-à-dire la vésicule urinaire ? La vessie. Voilà, le mathana. Dans la vessie. Donc en général, donc, l'urine, c'est une chose qui est dans la vessie et également les choses qui sont dans l'estomac. Et donc, le corps, il est plus affecté par la sortie de sperme que par la sortie d'urine. Donc c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé que tout le corps soit lavé. Et également, en général, la personne, donc après avoir eu des rapports, elle se sent fatiguée et elle a une période de futur ou kassel, une période de lassitude, et justement elle roussel vient justement pour redonner de la force et du zeste à la personne. Donc voilà en gros ce qu'a dit l'imam Al-Qayyim rahimahullah, justement pour montrer aux gens l'hikmah, la sagesse du fait que Allah il a demandé pour une chose qui sort du même endroit elle roussel, et pour l'autre seulement les ablutions. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. عائشة رضي الله عنها elle nous dit je l'avais c'est-à-dire les traces de janaba du vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il sortait donc pour la prière et la trace d'eau qu'elle avait lavée était encore sur le vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans une version de Muslim elle nous dit laqad kuntu afrukuhu min thawbi rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire je le frottais, c'est-à-dire je le grattais du vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il faisait la prière avec. هذا الحديث متعلق بحكم المني هل هو نجس او ليس بنجس. تقول كنت اغسل الجنابه يعني اثر الجنابه يعني مثلا اذا اصاب المني ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فانها كانت تغسل الثوب. فكانت تغسل الثوب أو تغسل المني إن كان رطبا وتفركه ب وكذلك في بعض الروايات كنت أفركه بظفري إذا كان يابسا إن كان رطبا كانت تغسله وإن كان يابسا كانت تفركه رضي الله عنها. ففرك أم المؤمنين للمني بظفرها يدل على أنه ليس بنجس. لو كان نجسا لاحتاجت إلى الغسل لما اكتفت بالفرك عندما دلكت أو دلكت المني أو فركته هذا دل على أنه ليس بنجس وما يدل على عدم نجاسة المني كذلك أنه أصل الإنسان. الله عز وجل يقول وقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فالمني ليس بنجس ولكن مع ذلك كانت تغسله أن الإنسان لا يجب عليه أن يغسل من ثوبه النجاسات فقط. أحيانا تجد وسخا من المأكولات أو من المشروبات فإنك تغسلها. ولهذا يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما المني بمنزلة المخاط. مثلا إذا أصاب المخاط شيئا من ثوبك يقول فأمته عندك ولو بإذخرة يعني تفركه بغصن شجرة ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. Donc ce hadith est lié au statut du sperme, est-ce qu'il est pur ou bien est-ce qu'il est impur? Donc il y a une divergence chez les savants, rahimahumullah. Certains disent qu'il est pur, d'autres disent qu'il est impur. Donc Aïcha nous dit que donc elle avait les traces donc de al-janaba, du vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il sortait pour accomplir la prière et la trace donc d'eau était encore sur le vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans une autre version, elle dit qu'elle le grattait du vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il faisait la prière avec. Dans une autre version, elle dit elle le grattait avec ses ongles lorsqu'il était sec et elle le lavait lorsqu'il était encore frais. Donc le fait que Aïcha radiallahu anha se contentait de gratter les traces donc de janaba sur le vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam prouve que ce n'est pas une impureté. Car si c'était une impureté, elle aurait été obligée de le laver. Et plus encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui aurait ordonné de le laver. C'est même pas un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'elle observait les vêtements de son mari et elle lavait donc les choses qui pouvaient souiller le vêtement. Mais donc si ça avait été une impureté, elle aurait dû obligatoirement le laver et non pas se contenter de le gratter. Également, ce qui prouve également que Al-Mani n'est pas une impureté, le fait que donc c'est la base de création de l'homme. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, وَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, donc nous avons certes ennobli les enfants de Adam, وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, nous avons porté sur la terre et sur la mer. Mais malgré cela, il faut quand même que la personne donc nettoie ses vêtements de choses qui les atteignent. Ce n'est pas parce que les choses ne sont pas des impuretés qu'on doit les laisser sur nos vêtements. Donc toute personne, lorsqu'il y a de la nourriture qui tombe sur les vêtements, de la boisson qui tombe sur les vêtements, la personne, il faut qu'elle essaye donc de purifier cela et de nettoyer. C'est pour ça que Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, il nous dit que le sperme est semblable à al-mukhat, c'est-à-dire est semblable à de la morve. Admettons qu'il atteindrait un vêtement. La morve, ce n'est pas une impureté. Mais malgré cela, la personne, donc si elle a ça sur ses vêtements, elle essaye donc de les nettoyer. Nastafidu min hadha al-hadith khidmatu al-mar'ati zawjaha wa ta'ahudu malabisihi. فإن عائشة رضي الله عنها كانت يعني تنظر إلى ملابس النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصابها شيء من يعني أثر جنابة فإنها كانت تغسله إن كان رطبا وتفركه إن كان يابسا وهذا من حسن المعاشرة بين الزوجين. Donc on peut tirer de ce hadith également donc le fait que la femme est au service donc de son mari et qu'elle également elle contrôle les vêtements de son mari du fait que le prophète sallam ne lui a pas ordonné de laver cela, mais malgré cela elle le faisait afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sorte donc pour accomplir la prière donc sans avoir sur ses vêtements ce type de choses. Le fait que le prophète sallam en plus était l'imam, c'est lui qui guidait la prière. Donc, كذلك نستفيد من هذا الحديث فضل امهات المؤمنين فانهن هن اللواتي يعني نقلنا الينا سنته صلى الله عليه وسلم في احواله يعني السريه. وتلاحظون ان في هذا الباب عندنا يعني أحاديث مثلا في صفة الغسل, عندنا حديث عائشة وعندنا حديث ميمونة والآن أخذنا حديث أم سليم وحديث عائشة. فأمهات المؤمنين هن اللواتي نقلن إلينا يعني أخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تقع في عمق حجراته. Donc également, on peut tirer de ce hadith la vertu donc des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ce sont elles qui ont rapporté donc à la nation musulmane la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait lieu dans sa vie privée. Par exemple, en ce qui concerne la manière de faire ghusl al-janaba, par exemple, nous avons que c'est Aïcha et Maimouna radiallahu anhum qui nous ont rapporté cela. Nous avons ensuite le hadith de Umm Sulaym, également un autre hadith de Aïcha radiallahu anha. Donc, dans la sunna du Prophète, il y a les choses donc apparentes qu'il faisait donc dans sa vie de tous les jours devant tous les compagnons. Ça, c'était donc cela était rapporté par, et peut être rapporté par n'importe quel compagnon. Mais les choses qui avaient lieu donc à l'intérieur de ces demeures, sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est ces femmes qui ont rapporté cela donc après sa mort, et donc ce qui prouve leur grande vertu et leur grande importance. إذن كيف صفة الملي؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ماء الرجل وماء المرأة قال ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فماء المرأة ليس كماء الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا رأت الماء فلا ينبغي للمرأة أن تنتظر أن ترى مثل ماء الرجل فماؤها ماء خاص بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر. والخروج يكون بشهوة مع الفتور عقبه. وبالنسبة للرجل رائحته تشبه ريح طلع النخيل أو العجين، له رائحة العجين، وكذلك يخرج بدفعة أو دفعات. Donc également, il faut que la personne donc connaisse donc les caractéristiques du liquide donc qui oblige de faire les grandes ablutions. L'imam al-Nawawi rahimahullah, il a cité trois caractéristiques. Donc le fait qu'il sorte par plaisir qui est suivi donc d'un moment de fatigue. Il nous dit que son odeur ressemble à l'odeur tala طلع النخيل. Bref, une chose qui est à l'intérieur donc du tronc d'arbre d'un palmier, donc il y a une odeur bien précise qu'il connaissait à l'époque. Ou bien il nous dit de la pâte. Donc la pâte, lorsque la personne donc a fait de la pâte pour faire du pain ou autre chose, la pâte elle a une certaine odeur. Il nous dit que l'odeur du sperme a à peu près la même odeur. Il nous dit également qu'il sort bi dafatin ou dafat, donc il sort par en un coup ou bien en plusieurs coups. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été questionné sur le liquide qui sort de l'homme et le liquide qui sort de la femme, il nous a dit que le liquide de l'homme est épais et blanc et le liquide de la femme est fin et jaune. Donc il ne faut pas que la femme s'attende à trouver le même liquide que l'homme lorsqu'elle donc elle est elle donc est victime de ihtilam ou bien autre chose. Comme as-ila, on va nestamar. Reste combien de temps? 12. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ وإن لم ينزل. Abu Huraira radiallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque donc l'homme se trouve entre donc les quatre ramifications de la femme et qu'ensuite donc il y a rapport entre les deux, il faut qu'il fasse les grandes ablutions. Et dans une version du hadith, wa in lam yunzil, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas eu de sortie de sperme. هذا الحديث متعلق بموجب من موجبات الغسل وهو مجرد العلاج. إذا وقع علاج حشفة ذكر الرجل في فرج المرأة فقد وجب الغسل وإن لم يكون وإن لم يعقب ذلك إنزال المني وهذا مجمع عليه وهذا مجمع عليه لا اختلاف بين ذلك لا اختلاف في ذلك بين العلماء كان خلاف قديم بين الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يقول أن من جامع ولم ينزل عليه أن يتوضأ كما يتوضأ للصلاة هذا كان خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم ثم انعقد الإجماع ثم انعقد الإجماع فزال الخلاف فلازال الخلاف يقول إذا جلس بين شعابها الأربع إذا جلس يعني الرجل بين شعابها الأربع هذه كناية عن يدي المرأة ورجليها هذه كناية كما قلنا أكثر من مرة في مثل هذه الأمور دائما الإنسان يستعمل الكنايات ويصور الأشياء بدون أن يستعمل الألفاظ التي قد يتحرج منها السامعون فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلس بين الشعاب الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أحسن الألفاظ وفهمه السامعون وهذا هو الهدف من الناس أحيانا ما يأتي بتفاصيل تستحي منه لا الإنسان دائما أن يختار أحسن الألفاظ يقول بين الشعاب الأربع كناية عن يديها ورجليها ثم جهدها كذلك كناية عن الجماع يعني بلغ جهده في العمل في زوجتي donc le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit lorsque donc l'homme se retrouve entre ces quatre ramifications c'est-à-dire les quatre ramifications de la femme c'est donc le prophète il a donné cette image pour parler des bras et des jambes de la femme donc vous remarquerez que le prophète صلى الله عليه وسلم justement il essaye pour parler de ce type de sujet de ne pas utiliser des mots qui pourraient choquer ou des mots qui pourraient mettre mal à l'aise les gens qui écoutent ce hadith donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam également même ses compagnons lorsque fil hajj lorsque Aïcha elle a dit dakhala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala safiya wa arada minha ma yuridu ar-rajul min zawjatihi Tout le monde a compris, il n'y a pas de paroles qui mettent mal à l'aise. Parce que Aïcha elle a dit que pendant le Hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré chez sa fille et il a voulu d'elle ce qu'un homme veut de sa femme. Donc toujours ils essayaient, radiallahu anhu, de chercher les meilleures manières et les meilleures phrases et les mots adéquats donc, pour parler de ce type de sujet. Afin de ne pas mettre mal à l'aise les gens donc, qui écoutent ce hadith. Donc, إذا جلس بين الشعاب الأربع ثم جهدها. Également, donc, c'est une autre image pour parler donc, du rapport entre l'homme et sa femme. فقد وجب الغسل. C'est-à-dire que les ablutions deviennent obligatoires. Donc, ce hadith nous parle d'une autre chose qui oblige de faire les grandes ablutions. Donc, parmi les choses qui obligent de faire les grandes ablutions, donc, lorsqu'il y a rapport entre l'homme et sa femme. Même s'il n'y a pas d'éjaculation de sperme, il faut que les grandes ablutions soient faites, pour l'homme et pour la femme. Et cela sans divergence chez les savants. Il y avait donc une divergence ancienne donc chez les compagnons, radiallahu anhum. Certains disaient que si donc il y a rapport, mais qu'il n'y a pas éjaculation, il suffit à la personne donc de faire ses ablutions comme elle les fait pour la prière. Mais donc, après cela, la divergence a disparu et il y a eu consensus à ce sujet. وكذلك من الأحاديث التي تدل على نفس المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل donc le prophète صلى الله عليه وسلم il dit également dans d'autres hadiths إذا التقى الختانان c'est-à-dire lorsque il y a rencontre des deux circoncision, donc on avait parlé de ça dans le hadith d'Abu Huraira, donc la circoncision de l'homme et la circoncision de la femme, il faut que les grandes ablutions soient faites. Et donc, riwaya lati ma'ana, riwayatu muslim, wa in lam yunzil, ni sarihatun fi يعني وجوبي الغسل مع عدم إنزال المني. Donc la version de Sahih Muslim qu'a cité l'auteur, rahimahullah, est claire sur le fait que donc il doit y avoir, les grandes ablutions doivent avoir lieu, même si donc il n'y a pas d'éjaculation. Il a dit wa in lam yunzil. هذا ما يمكن أن نقول حول هذا الحديث. Est-ce combien de temps? 8 minutes. 8 minutes. عن أبي جعفر القميص ماله؟ القميص كان رجل. أيوة. كان القميص اللي عنده شي حاجة. ما قصوش بأنه شي حاجة ما أها. وش يقصر هذا القميص؟ علاش؟ لا ما قصوش. ما يحتاج. حتى لو أصابه شيء من المني. يعني مرة معنا أن عائشة رضي الله كانت تغسله هوني لأجل تجميل ليس لأن المني نجس. عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قومه أو عنده قومه فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع. فقال رجل ما يكفيني. فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك يريد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمن في ثوب. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا والرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبوه ابن الحنفية. Donc le hadith qui suit, Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, il était avec son père chez Jabir ibn Abdullah. Et Jabir ibn Abdullah, donc il avait également du monde avec lui. Et ils lui ont posé la question au sujet du ghusl, des grandes ablutions, et il a dit yakfika sa. Il te suffit donc d'utiliser pour les grandes ablutions sa, donc il y a une unité de mesure. Donc ça c'est arba'atu amdat. Le mud c'est le fait donc de remplir ses deux mains d'eau. Quatre fois cela, c'est ce qu'on appelle ça. Et donc il lui a dit que ça suffit pour faire les grandes ablutions, cette quantité d'eau. Un homme a alors dit ma yakfini, c'est-à-dire ça ne m'est pas suffisant, cette quantité ne m'est pas suffisante pour faire les grandes ablutions. Jabir, en entendant cela, il lui a dit كَنَا يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعْرًا. Pourtant ça suffisait à quelqu'un qui avait beaucoup plus de cheveux que toi et qui était meilleur que toi. Il voulait dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc dans une autre version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il versait sur sa tête de l'eau trois fois. Donc on a déjà vu cela. Et la personne qui a dit مَا يَكْفِينِ c'est Al-Hassan ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib. C'est Al-Hassan, donc fils de Muhammad, fils de Ali ibn Abi Talib, et son père c'est ibn Al-Hanafiya, Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib. هذا الحديث يعني سند هذا الحديث يعني مشتمل على أئمة أهل البيت يعني الذين هم يعني ذرية علي وفاطمة رضي الله عنهم. في ذلك رد على من قال أن أهل السنة والجماعة يكرهون أهل البيت. الشيعة يقولون أن أهل السنة يكرهون أهل البيت، لا يحبون عليا ولا يحبون فاطمة ولا يحبون الحسن والحسين. لا، ليس بصحيح، بل أني أهل السنة أني وسط، أني يعطون أهل البيت حقهم وتقديرهم ويعني احترامهم على ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يغالون فيهم كما يفعله غيرهم. فعندنا أبو جعفر يعني محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، هذا يسمى بجعفر أبو جعفر الباقير، أبو جعفر الباقير، وهو من أئمة أهل البيت وهو من علماء وأبوه هو علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب وملقب بزين العابدين فهؤلاء كلهم حتى يعني الحسين ابن علي وصية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني سيد من سيدي شباب الجنة مع أخيه الحسن كذلك الرجل الذي هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب كل هؤلاء من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم donc ce hadith la chaîne de transmission de ce hadith ou bien les narrateurs de ce hadith sont des gens de ce qu'on appelle Ahlul Bayt, c'est-à-dire la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont la descendance de Ali et de Fatima, du fait que les autres filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses autres enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas eu d'enfants. Donc Fatima est la seule qui a eu des enfants, donc la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la descendance de Fatima et de Ali. Donc dans cela il y a une réponse donc à ceux qui prétendent que les gens de la Sunna détestent la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les chiites ils prétendent que les sunnites ils n'aiment pas la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'aiment pas Ali, Hassan ou Hussein, ce n'est pas vrai. Au contraire, dès qu'il y a des hadiths où il y a ces gens-là, que ce soit ces gens-là qui rapportent ou n'importe qui d'autres, les hadiths sont appliqués. Également, les gens de la Sunna donc donnent à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam le droit qui leur revient donc en se basant sur le livre d'Allah et sur la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans exagération bien sûr. هؤلاء كلهم كانوا في مجلس جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وكان من علماء الصحابة رضي الله عنهم فهؤلاء من التابعين فكانوا يحضرون مجالس جابر بن عبد الله يستفيدون من علمه لأنه عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن ضمن الأمور التي سألوه عن الغسل والمراد هنا بالغسل فمن ضمن المسائل التي سألوه عن الغسل والمراد بالسؤال عن الغسل هنا عن المقدار الذي يغتسل به أو يغتسل به في غسل الجنابة يعني كم مقدار الماء الذي يكفي لغسل الجنابة فأجاب جابر رضي الله عنه بقوله يكفيك صاع والصاع هو أربعة أمداد والمد هو يعني ملء الكفين ويسمى بالمد فالصاع هو أربعة أمداد فهذا المقدار من الماء كاف لغسل الجنابة فعند إجابة جابر رضي الله عنه قال رجل ما يكفيني هذا المقدار ما يكفيني فرد عليه جابر بجواب فيه نوع من الشدة لأنه كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم قال أو كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك هذا المقدار الذي هو الصاع كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك يريد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمن في ثوب فصلى بهم وهو لابس ثوبا واحدا ستتنا هذه المسألة يعني في كتاب الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى. Donc, en fait, ils ont posé la question à Jabir sur la quantité d'eau qui était suffisante pour faire les grandes ablutions. Jabir, donc, qui était un compagnon parmi les compagnons du prophète, il a dit, Yakfika sa'a. Il te suffit d'utiliser donc un sa'a. C'est-à-dire le fait de regrouper ses deux mains comme cela et de les remplir d'eau, c'est ce qu'on appelle al-mut. Donc, quatre fois cela, c'est ce que l'on appelle sa'a. Ça peut paraître une petite quantité. Un homme a alors dit, Ma yakfini, ça ne m'est pas suffisant pour faire les grandes ablutions. Jabir lui a répondu en lui disant, pourtant ça suffisait une personne qui avait beaucoup plus de cheveux que toi et qui était meilleure que toi, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était la quantité qu'utilisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire les grandes ablutions. Aïcha radiallahu anha nous dit, كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. هذا متفق عليه. وهذا الفرق قيل هو ثلاثة أصع. فكان يغتسل هو وعائشة. ولا ندري هل كان الإناء يعني مليء أم لا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الماء كله. المهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى الإناء الذي استعمله كان لا يزيد مقداره على ثلاثة أصع وكان يغتسل هو وزوجته عائشة رضي الله عنها من هذا الإناء. Et donc Aïcha nous dit, je faisais les ablutions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un même récipient que l'on appelle Al-Faraq. Cet récipient à cette époque il s'appelait Al-Faraq et il pouvait contenir thalathatu asu, c'est-à-dire trois sa'a. Trois sa'a, c'est-à-dire donc 12 fois le fait de remplir ses deux mains d'eau. Donc, c'est une petite quantité. Et donc il faisait les grandes ablutions lui et Aïcha radiallahu anha. On ne sait pas si le récipient était rempli ou pas. On ne sait pas également s'ils ont laissé de l'eau ou pas. Bref, il faisait les ablutions à deux avec cette petite quantité. Kadhalik, في هذا الحديث نستفيد كراهية الإسراف في استعمال الماء. الإنسان عليه أن يقتصد ولا يسرف في الماء. فالناس أحيانا ينسون يعني قدر هذه النعمة التي هي الماء. فالإنسان يعني أن يستعمل يعني القدر الكافي ولا يزيد على ذلك. ولو استعمل الإنسان إناء في الاغتسال أفضل من أن يستعمل يعني هذا الرشاش. هذا في كثير من الإسراف. يقول الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون قوم يعتادون في الطهور والدعاء. رواه أبو داود. Également donc il est déconseillé de gaspiller trop d'eau lorsque l'on fait donc al-wudu et également les grandes ablutions, du fait que donc le prophète sallam il faisait les ablutions avec al-mut, avec cela d'eau, et les grandes ablutions avec quatre fois cela d'eau. Et donc les gens ils ont tendance à oublier le bienfait de l'eau et que l'eau est donc un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens ils le gaspillent comme si ils gaspillaient toute autre chose. Est-ce que tu serais capable demain de jeter des billets par la fenêtre? Non, tu ne serais pas capable. Parce que tu te rends compte de la valeur de l'argent. Et il faut également que tu te rends compte de la valeur de l'eau. Allez dans les pays où ils ont de la sécheresse et vous verrez c'est quoi la valeur de l'eau pour eux. Donc la personne, il faut qu'elle utilise cette eau de manière donc raisonnable. Voilà, de manière raisonnable. Et ne surtout pas gaspiller cette eau. Allah dit dans le Coran وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. C'est manger et buvez et ne gaspillez pas, car Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les gaspilleurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il va venir dans ma communauté des gens qui exagéreront dans la purification et dans les invocations, rapporté par Abu Daoud. وكذلك الاقتصاد في الماء هو إغلاق لباب الوسواس. فمن الناس من لا يرتاح في الوضوء وفي الغسل إلا إذا استعمل عشرة يعني لتر من الماء. الإنسان يقتصد ويعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بالمد، فبالتالي أنت تتوضأ بالمد ويكفيك في ذلك الوضوء. لا يحتاج يعني أن تسب لتر على يديك، لتر على وجهك، لتر على رجلك، لا. فالاقتصاد في الماء إغلاق لباب الوسواس. Également, donc le fait d'utiliser peu d'eau est une chose donc qui ferme la porte de ce que l'on appelle al-waswas, car il y a des gens donc qui sont éprouvés dans les ablutions. Ils doutent tout le temps de bien avoir lavé leurs membres ou pas. Lorsqu'ils arrivent aux pieds, ils doutent de mal avoir lavé leurs mains ou bien de mal avoir lavé leur visage, donc ils reviennent, etc., etc. En utilisant une petite quantité d'eau, en sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait les ablutions avec cette petite quantité d'eau, faut que tu saches que tes ablutions sont complètes et que tu n'as pas égal, toujours à... Parce qu'il y a des gens justement, ils ne sont pas satisfaits des ablutions que lorsqu'il a versé 2 litres sur ses mains, 2 litres sur son visage, 2 litres sur sa tête, etc., etc. Non, la personne utilise une petite quantité d'eau, elle sait que c'est la quantité qui est nécessaire pour les ablutions, et bi'idhnillah justement elle sort de ce que l'on appelle al-waswas. Et donc les waswas, c'est parmi une des plus grandes portes qu'utilise le diable donc pour éloigner l'homme de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك الصحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنه تلاحظون ما كان عليه من الاقتداء والاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما قال الرجل ما يكفيني رد عليه واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيه ذلك المقدار. وكذلك ينبغي أن يكون المسلم أن يحتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا أحد أفضل منه صلى الله عليه وسلم. Donc vous remarquerez que Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu, lorsque donc Al-Hassan ibn Muhammad lui a dit que cette quantité d'eau ne lui était pas suffisante, tout de suite pour lui répondre, la première chose qu'il lui a dit, il lui a dit ça suffisait, celui qui possédait plus de cheveux que toi et qui était meilleur que toi. Donc les compagnons radiallahu anhum, il leur suffisait comme exemple les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas comme beaucoup d'entre nous à notre époque. On leur dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait cela. Il dit oui mais c'est pas la même époque, ou bien si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était là il aurait fait autrement. Lorsque la personne entend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sinon il n'y a plus de limite à cela. On change toute la religion. Non, Allah Azza wa Jalla dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakum al-islam dina. Si tu entends que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait telle ou telle chose, suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il ne faut surtout pas débattre. Donc les gens ils débattent. Ils disent oui mais si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien non je ne peux pas, c'est pas suffisant, ou bien c'était un miracle, etc., etc. Les miracles ils sont clairs et les choses comme cela, ce n'était pas un miracle le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait cette petite quantité d'eau pour faire les grandes ablutions. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.